Le 5 septembre, le porte-parole du Conseil pour la réconciliation nationale a publié une communication pour accuser les fantoches sud-coréens d'avoir décidé avec les réactionnaires japonais, malgré la protestation de l'intérieur et de l'extérieur du pays, de prolonger l'accord de protection des renseignements militaires sud-coréo-japonais. Il a dit: l'accord de protection des renseignements militaires conclu avec le Japon en novembre dernier par la bande des traîtres de Pakonnet sous la contrainte et la manipulation des États-Unis vise à échanger les informations de surveillance et d'espionnage vis-à-vis de la République populaire démocratique de Corée sous prétexte de faire face à la menace des armes nucléaires du Nord et au cas échéant. Mais principalement, ce n'est qu'un prélude pour intensifier la collusion militaire entre la Corée du Sud et le Japon et hâter définitivement l'établissement de l'alliance militaire tripartite sous la coupe américaine. Si les autorités sud-coréennes ont décidé la prolongation en suivant la même piste que Pakonnet, c'est qu'elles ont révélé enfin toute leur ambition sournoise de s'opposer aux compatriotes jusqu'à la fin en collaboration avec l'ennemi juré de notre nation. Le gouvernement sud-coréen avait péroré que c'est un accord d'autre trahison lors des présidentielles et promis de l'annuler, mais à peine placé dans la Maison Bleue, il y a renoncé sans hésiter et flatte de plus en plus les suzerains américains et japonais. Cette conduite montre que la liquidation des abus dont parlent les autorités sud-coréennes n'était que pour tromper la population. Tous ceux qui recourent à la servilité et à la trahison ne pourront pas éviter la punition sévère de l'histoire. Voilà l'avertissement adressé par tous les compatriotes au gouvernement sud-coréen. Les autorités sud-coréennes qui ont commis un acte suicidaire se heurteront à une forte résistance anti-japonaise de la population.